Michel, est-ce qu'on s'est parlé avant aujourd'hui en ce qui concerne l'enseignement qui va être donné? Intéressant. Très intéressant. Permettez? Nous, on est en début d'année, mais je n'enseignerai pas sur le début d'année. Sauf que la place où on est rendu dans l'Évangile de Matthieu, on est à la Pâque. Et la Pâque, c'est le début de l'année juive. Tout au début de l'année juive. La Pâque est célébrée entre le 14e et le 15e jour. Et donc, pour Jésus, c'est le début d'une année, mais le début d'une année nouvelle, d'une nouvelle Pâque, qui va être cette fois célébrée dans son sang. Nous, c'est une nouvelle année qui débute, et en souhaitant que chacun de nous, on puisse comprendre vraiment l'importance du sang de Jésus-Christ pour nous, qui sommes croyants, qui avons cru, et pour ceux qui n'ont pas décidé encore, bien, que le sang de Jésus vienne vraiment vous toucher. Parce que par lui, on obtient le pardon de tous nos péchés, un libre accès à Dieu et l'assurance de la vie éternelle. C'est ce que ça nous donne. Et ça, ça n'a pas de prix. En fait, pour nous, ça n'a pas de prix, mais pour Dieu, ça a eu un grand prix. Ça a coûté la vie de son Fils. Durant la dernière semaine de la vie terrestre de Jésus, c'est en tant qu'homme libre que Jésus est entré triomphant à Jérusalem. Mais durant la dernière journée de sa vie terrestre, c'est lié comme un criminel, comme un agneau qu'on mène à l'abattoir, que Jésus est mené chez le gouverneur Pilate. Lui qui est venu chez les siens pour les sauver de leurs péchés, il se trouve lié, livré, par son propre peuple, celui qu'il aime, dans lequel il est né, il va être livré aux païens pour être mis à mort. Ce peuple qui devait reconnaître Jésus comme son sauveur, le renie et le livre. Jésus est venu donner à son peuple ce qu'il a de plus précieux, c'est-à-dire sa vie. Les chapitres 26 et 27 qu'on a vus l'année passée, c'est bien loin, décrivent le jugement et la condamnation à mort de Jésus par les Juifs. Ce matin, je vais regarder avec vous la réaction d'un homme pleinement en contrôle de tout son être, âme, corps et esprit. Ce qui caractérise sa réaction est la présence du fruit de l'esprit dans sa vie. Et ce que je vais regarder avec vous, c'est la maîtrise de soi. Donc, parmi les sentiments que Michel exprimait, c'est qu'il y a quelque chose qui motive Jésus-Christ dans son action, dans sa vie, dans ses paroles. C'est la maîtrise de soi. On va regarder le chapitre 27 de Matthieu. Je vais lire les versets 1 et 2, et ensuite on va aller à 11, et je vais lire jusqu'à 25. Je lis dans la version Louis II. Si vous avez une autre version, ça va être différent. Donc, Matthieu 27, verset 1. « Dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Après l'avoir lié, ils l'amenèrent et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. » Allez au verset 11. Jésus comparut devant le gouverneur. Le gouverneur l'interrogea en ces termes, « Es-tu le roi des Juifs? » Jésus lui répondit, « Tu le dis. » Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Alors Pilate lui dit, N'entends-tu pas de combien de choses il t'accuse? » Et Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Ils avaient alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit, « Lequel voulez-vous que je vous relâche? Barnabas? Barabbas ou Jésus, qu'on appelle Christ? » Car ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Cependant, pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui dit, « Fit dire qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. » Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent à la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur, prenant la parole, leur dit, « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? » Il répondit, « Barabbas. » Pilate leur dit, « Que ferai-je donc de Jésus, qu'on appelle Christ? » Tous répondirent, « Qu'il soit crucifié. » Le gouverneur dit, « Mais quel mal a-t-il fait? » Et ils crièrent encore plus fort, « Crucifie! Qu'il soit crucifié! » Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, « Je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. » Et tout le monde répondit, « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. » La maîtrise de soi se manifeste quand Jésus, dans l'adversité, garde le silence devant ceux qui l'accusent injustement. Y a-t-il quelque chose de plus insultant, de plus blessant que d'entendre dire des faussetés sur vous? Que ce soit par des proches, que ce soit par des amis, par des collègues de travail, que ce soit par des gens qui ne vous connaissent pas. Mais y a-t-il quelque chose de plus insultant et de plus blessant que d'entendre des faussetés à votre sujet? Et si vous êtes comme moi, la moutarde commence à monter au nez, le cœur se met à battre un peu plus vite, et je voudrais répondre instantanément, parce que je trouve ça injuste, qu'on me prête des intentions, ou bien donc qu'on dise des choses qui sont absolument fausses, inutiles, sans fondement, sans preuve. Et d'où l'importance de comprendre la réaction de Jésus. Que devant des fausses accusations, lui garde le silence. Il a une totale maîtrise de lui-même. C'est bien qu'il sache exactement qui il est, qu'il est juste, et je vais regarder ce point-là avec vous. Bien qu'il sache qu'il n'a jamais péché contre le Père, qu'il n'a jamais désobéi à Dieu. Bien qu'il ait respecté pendant toute sa vie tous les êtres humains qu'il a côtoyés. Il a guéri des malades, sauvé des gens qui étaient dans le trouble. Bien qu'il sache qu'il n'a rien à se reprocher, devant les fausses accusations, il ne dit pas un mot. Lors du témoignage de Pierre devant l'assemblée des Juifs, il leur dit ce qui suit dans Actes 3, versets 14 et 15. « Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier. » Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts, nous en sommes témoins. Dieu, le Père du Seigneur Jésus, déclare son Fils dans le texte qu'on vient de regarder, saint et juste, ni plus ni moins irréprochable, irrépréhensible. Mais Dieu n'est pas le seul à avoir fait connaître que Jésus était juste. Particulièrement dans le texte qu'on vient de lire, la femme de Pilate, elle va déclarer que Jésus est juste. En fait, qu'est-ce qu'elle lui dit? Qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste. Donc, non seulement Pilate l'entend, parce qu'elle envoie quelqu'un le faire dire à Pilate, mais ceux qui sont autour aussi l'entendent. Dieu envoie un songe à la femme de Pilate, et en même temps, ce qu'elle voit dans son songe, par rapport à Jésus, la fait souffrir. En fait, elle est fort tourmentée à propos de ce qui s'en vient pour Jésus. Dieu la touche déjà par rapport à son Fils. Et il veut en même temps parler à Pilate. Et non seulement à lui, mais parler à tous les Juifs qui, eux, sont venus accuser injustement. Elle met son mari au courant de ce qu'il doit faire. Ne te mêle pas de l'affaire de cet homme innocent. C'est la version sommaire. Ne t'en mêle pas. Lave-toi les mains. Pilate, après avoir questionné Jésus et après avoir considéré que c'était par envie ou par jalousie que les Juifs le faisaient comparaître devant lui, dit « Quel mal a-t-il fait ?» dans le texte qu'on a lu. Il est donc en train de lui dire que cet homme-là ne mérite pas la mort, cet homme-là est juste. Je ne vois aucune raison de mettre à mort cet homme-là. Il est même écrit dans Actes 3, 13 que Pilate était d'avis qu'on le relâche. Donc, il aurait été jusque-là si ce n'était été de la pression extérieure, si ce n'était été des Juifs qui commençaient, dont le tumulte augmentait, et dont lui s'est senti obligé de réagir. Pilate, en se lavant les mains, ce qu'il est en train de dire aux gens, c'est que je ne suis pas responsable du sang de ce juste. Il a compris et écouté ce que sa femme disait. On connaît la suite. On sait que Jésus va quand même être mis à mort. Mais lui a réalisé minimalement quelque chose, que Jésus est juste et il ne mérite pas de mourir. La foule, à son tour, elle va entendre que Jésus est déclaré juste. Quand, justement, Pilate dit, « Je ne suis pas responsable de la mort de ce juste ou du sang de ce juste, cela, ça vous regarde. » Et pour montrer qu'ils l'ont vraiment bien entendu, tout le peuple répond, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Tout le peuple entend que Jésus est juste. Acte 6, versets 26-28 dit, « Les rois de la terre se sont soulevés, et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son roi. » En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Ce qui est renversant pour nous et étonnant en même temps, c'est que Dieu avait déclaré avant, il y a longtemps, ce qui arriverait à Jésus. Non seulement qu'il serait condamné injustement, non seulement qu'il terminerait sur la mort, mais en même temps qu'il était l'agneau de Dieu qui devait venir pour effacer, enlever le péché du monde. Et que cet agneau-là, cet homme-là, ne dirait rien comme un agneau qu'on mène à l'abattoir. Dans sa sagesse, mais en même temps dans toute sa puissance, Dieu montre que son serviteur va lui obéir jusqu'au bout. Et que dans son attitude, dans la maîtrise de lui-même, il va se soumettre parfaitement à son Père en gardant le silence. Alors, vous allez peut-être avoir des occasions au cours des semaines qui viennent ou au cours de l'année qui vient d'être sous pression. Vous allez peut-être vous faire accuser injustement. Vous allez peut-être entendre des choses horribles à votre sujet. Peut-être quelqu'un veut même vous faire perdre votre réputation. Comment allons-nous réagir? Nous, on a le privilège d'avoir l'Esprit de Dieu en nous. Et dans le fruit que produit l'Esprit, il y a la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, ce n'est pas nos efforts, ce n'est pas l'œuvre de nos efforts. Ce n'est pas l'œuvre de notre attention. C'est le fruit de l'Esprit. Notre part à nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que le temple du Saint-Esprit, c'est de se soumettre à l'Esprit de Dieu. Parfois, il va nous demander de parler. D'autres fois, il va nous demander de garder silence. Et c'est surtout cet aspect-là qui est difficile pour nous. Garder silence quand c'est injuste. Même tous ces gens-là, même la foule, en agissant comme elle a agi, en condamnant Jésus et en déclarant qu'il devait être mis à mort, elle était en train de réaliser ce que Dieu avait planifié pour son Fils. Étonnant. Étonnant, mais vrai. Bien que Jésus soit déclaré juste, la crucifixion va avoir lieu. Tous diront « Crucifie-le, crucifie-le ». La foule, en fait, elle accepte la responsabilité de la mort de Jésus, de ce sang juste qui va être versé. Tout le monde dit que son sang retombe sur nous et sur vous, nos enfants. Je vais vous donner deux autres traductions. Que la responsabilité de sa mort retombe sur nous et sur nos enfants. OK, c'est lourd de poids. Ça, c'est dans Summer. Mais écoutez bien celle-là. Que les conséquences de la mort, de sa mort, retombent sur nous et sur nos enfants. On est comme en train d'accepter une condamnation de la part de Dieu, un jugement de la part de Dieu. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que ce que méritait la foule, ce que méritaient les Juifs qui ont dit « crucifie-le », c'est de mourir eux aussi. Mais après la mort de Jésus-Christ et après sa résurrection, il a mandaté ses apôtres d'aller dire à son peuple qu'il les aimait, malgré ce qu'ils avaient dit, malgré ce qu'ils avaient choisi, malgré ce qu'ils s'étaient tous mis d'accord pour le mettre à mort. Acte 2, 22 à 41. Homme israélite, ou je pourrais dire québécois assis dans cette salle, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés, par lui au milieu de vous, comme vous le savez, cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la préséance de Dieu, vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu ne cache pas ce qu'il sait. Il le fait connaître à son peuple, mais il a un but. Dieu l'a ressuscité, Jésus, en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Et Pierre ajoute au verset 38, « Repentez-vous donc, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés. » Et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous et pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Ça, c'est nous. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. Le monde dans lequel nous vivons est mauvais et méchant, que Jésus dit. » Ceux qui acceptèrent la parole, ceux qui croient ce que Dieu dit, ceux qui acceptent que nous-mêmes, même si on n'était pas là, il y a 2000 ans, 2020 ans et quelques jours, on a quand même dit, crucifie-le. Enlève de devant nos yeux cet homme. Mais ceux qui acceptèrent sa parole, ceux qui acceptèrent qu'on est coupable, pécheur de la mort de Jésus-Christ, ils furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta de 3000. En fait, il dit que les conséquences de sa mort ou d'avoir versé son sang retombent sur nous, c'est une bénédiction que Dieu accorde au peuple. La condamnation est pour plus tard. C'est vrai qu'il va arriver des événements fâcheux dans la vie d'Israël. C'est vrai qu'il va y avoir la destruction du temple, c'est vrai qu'il va y avoir des invasions, c'est vrai qu'il va y avoir l'Holocauste, c'est vrai qu'il va y avoir plein de choses. Mais le but de Dieu, c'est de sauver l'humanité. Et l'objectif de Jésus-Christ, il est venu pour donner sa vie pour l'humanité, chacun de nous présents, afin que nos péchés soient pardonnés, effacés, une page blanche devant Dieu. Dieu peut accuser personne de ceux qui ont cru, parce qu'il nous voit à travers la justice accordée à Jésus-Christ, la justice que Jésus a accomplie. Fait que c'est pour ça que je peux lire en toute liberté et avec joie ce qui est écrit dans Hébreux. On a de la misère, là. Mais c'est écrit « Par un seul sacrifice, il a rendu parfait pour toujours ceux qui sont sanctifiés. » Fait que regardez-moi, c'est comme ça. Non, mais regardez les autres, c'est tout comme ça. On ne se voit pas parfait, puis on se le dit d'abord, « T'es pas parfait, puis on niaise un peu, là. » Mais nous sommes parfaits en Jésus-Christ. Aujourd'hui, Dieu réclame ma vie. Et je me présente devant lui, pas encore, là, mais avec mon âme, mon esprit. Il dit, mon fils, entre. Entre, j'ai une place pour toi, Jésus. Il l'a préparé. Viens t'asseoir. On va attendre les autres. C'est extraordinaire. Et c'est à cause que Jésus a gardé silence. À cause qu'il a gardé silence, à cause que la maîtrise de lui-même parfaite, a fait qu'il est allé jusqu'à la croix et qu'il a pu mourir pour nous. Diane. Oui, si tu veux relire Acte 2:41-42. Donc, après, c'est qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction du pain, dans la communion fraternelle et dans les prières. Donc, il n'y a pas juste une question, si je veux reprendre ton idée, je pense. Ce n'est pas juste une notion d'être sauvé individuellement, mais de persévérer collectivement. De se rassembler, de ne pas craindre de se rassembler, parce qu'on est le corps de Christ. Chacun pour sa part. C'est au prix de sa vie et de son sang que Jésus accepte les fausses accusations contre lui. Le silence de Jésus avant sa mort et jusqu'à la venue du Saint-Esprit, parce qu'il y a eu une période de silence, a laissé toute la place à Dieu d'aller agir dans les cœurs. De sorte que quand Pierre ouvre la parole, lorsque l'Esprit Saint est donné aux apôtres et à ceux qui ont cru, Lorsque Pierre ouvre la parole et qu'il annonce, qu'il déclare que Jésus est vivant, ressuscité et que c'est nous qui l'avons mis à mort, les gens sont convaincus parce que Dieu a fait une œuvre. Il a fait cette œuvre-là par l'Esprit de Dieu qu'il a répandu, qu'il a été agir dans les cœurs. Et comment le fait-il? C'est qu'il convainc les hommes de péché, de justice et de jugement. Je vais le lire dans une autre traduction. Il leur a fait prendre conscience de leur péché, qui consiste à refuser de croire en Jésus. Ce n'est pas compliqué, le péché. C'est Jésus oui ou Jésus non. Fait que c'est soit que je crois en Jésus et je suis libre et je suis enfant de Dieu, ou soit que je n'y crois pas et que Dieu ne me reconnaît pas comme son enfant. L'Esprit leur a montré de quel côté est la justice, en leur révélant que Jésus est auprès du Père. Et enfin, l'Esprit leur a ouvert les yeux au sujet du jugement divin, puisque le dominateur de ce monde est d'ores et déjà condamné. Jésus, en mourant sur la croix, qui la mort, on pourrait dire, c'est comme l'arme ultime de Satan, il veut tuer tout le monde, il veut nous tuer dans notre âme, dans notre pensée, et il voudrait nous tuer physiquement, si Dieu l'autorise. Jésus a vaincu la mort en ressuscitant de la mort. Et c'est pour ça que d'or et déjà, le dominateur, il est déjà vaincu. Même si on pourrait dire qu'il était encore en action, il est vaincu. Et nous, nous avons la victoire. Une place nous est réservée. C'est le dernier ennemi qui va être vaincu. C'est vrai, il va être jeté dans les temps de feu. En fait, c'est ce qu'on doit regarder chez Jésus, c'est quelle maîtrise il a de lui-même. C'est son esprit qui nous a donné. Mais en même temps, quelle confiance il a dans la puissante volonté de son Père. Et quel amour il a pour nous. Combien il nous aime individuellement. Jésus peut prononcer chacun de nos prénoms. Il pourrait donner toute notre généalogie quasiment jusqu'à Adam. Mais il nous connaît personnellement, parce que nous connaissons personnellement Jésus. Parce que lui nous reconnaît comme ses enfants. Et parce que lui nous donne le privilège d'être dans sa main, de faire partie de son peuple, d'être dans son Église et d'avoir un impact dans ce monde. Nous sommes la lumière du monde. Les choix que vous faites de parler ou de garder silence, ça a un impact dans le monde. Vous n'avez pas d'idée de ce que ça produit, parce que l'œuvre, ce n'est pas nous qui la faisons. L'œuvre dans le cœur des gens, c'est Dieu qui l'a fait. Et il veut les amener chacun d'eux à la repentance, parce qu'il veut que tous soient sauvés et parviennent à la repentance. Faites notre modèle ou le rocher que nos sœurs veulent regarder dans leur étude des déjeuners, le rocher sur lequel on a cru, sur lequel on a posé nos pieds, qui est la base de notre foi, ce rocher-là, c'est celui qui est parfait. C'est celui qui a tout pouvoir et toute autorité dans ce monde. C'est lui qui a su comment nous convaincre, chacun de nous, qu'on avait besoin de Jésus. J'avais un autre élément, mais je ne le prendrai pas. Parce que je pense que c'est suffisant. En fait, le plus important dans nos vies, c'est qu'on ait les yeux fixés sur Jésus-Christ. C'est qu'on le regarde dans toute sa personne et qu'on puisse en même temps lui faire confiance. Lui faire confiance parce qu'il a la capacité de vivre, la capacité de nous donner de vivre comme lui. Parce que son esprit, il est puissant en nous. En fait, c'est pour toi et moi que Jésus a gardé silence devant ceux qui l'accusaient injustement. C'est pour toi et moi que Jésus n'a rien répondu à Pilate quand il lui a rappelé que ses accusateurs, tout ce que ses accusateurs disaient à son sujet, n'entends-tu pas ce qu'ils disent? C'est pour toi et moi que Jésus n'a pas caché non plus son identité. Quand Pilate lui pose la question, « Es-tu le roi des Juifs? » En répondant « Oui », il se plaçait en contradiction avec César, l'empereur César. Et il n'a pas eu peur de dire, « Tu l'as dit, je suis vraiment le roi des Juifs. » Jésus, en pleine maîtrise de soi, il est sans peur, sans crainte devant les hommes. Il n'a pas peur d'aller à la croix. Il va souffrir, et il le sait. Il sait qu'est-ce qui l'attend. D'ailleurs, dans le jardin, on l'a vu dans les études précédentes, des grumeaux de sang sortaient de sa peau. Enfin, Jésus a versé son sang pour notre salut à nous, pour le pardon de nos péchés à nous. Est-ce que ça ne vaut pas la peine de mieux le connaître? Est-ce que ça ne vaut pas la peine de le regarder de près? Est-ce que ça ne vaut pas la peine de dire, « Seigneur, je veux être plus comme toi. » Plus comme toi, plus attentif à la voix de ton esprit, plus soumis à ton esprit, et de faire vraiment une différence dans la vie de quelqu'un cette année. Vraiment, je ne sais pas qui tu me destines de rencontrer, mais j'aimerais vraiment que mon attitude ressemble tellement à Jésus que l'autre ait besoin de te connaître et qu'il me le dise. Alors, Seigneur, pour toutes les personnes qui sont ici ce matin, pour ceux de mes frères et sœurs qui sont encore à la maison, ou mon épouse qui est à l'hôpital aujourd'hui, pour tous ceux, Seigneur, qui sont proches de nous, nos enfants, nos petits-enfants, nos voisins, nos gens qu'on rencontre au marché, on veut te prier pour eux, Seigneur, que tu nous donnes le temps avec eux qui est nécessaire. On est souvent à la course, on va chercher une pinte de lait, deux morceaux de pain, une brioche, puis on se dépêche de sortir, puis de payer surtout. Alors que Dieu a du temps. Lui, il a pris le temps. Il a pris le temps pour nous. Alors donne-nous, Seigneur, d'être vraiment attentif aux gens. La bouffe, c'est secondaire, l'épicerie, c'est secondaire. Mais le temps avec les gens, Seigneur, on ne veut pas manquer les rendez-vous que tu as planifié pour nous. Et surtout, ce qu'on a besoin de ta part, Seigneur, c'est le fruit de ton esprit, là, entre autres la maîtrise de soi, de savoir quoi dire, comment dire, ou simplement se taire, mais agir pareil, qu'il soit abondant. Abondant vraiment, Seigneur, dans la vie de chacun, de tes enfants et dans la mienne. Amen.